Retrouvez Mathieu Giroud dans l'émission Pourquoi il y aurait-il un Dieu ? Notre société se développe. L'ascension de la société humaine s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, Homo sapiens, depuis sa naissance, a été un individu social de plus en plus créatif et sensible. La créativité de l'humanité s'est révélée par la maîtrise de la nature et de ses pouvoirs révélés. La compréhension de la nature a permis la naissance de Homo sapiens. Lorsque l'Afrique était un grand désert, les 1000 premiers Homo sapiens ont maîtrisé les marées dans les plages africaines pour ensuite repeupler la Namibie, puis au fur et à mesure peupler la planète par la maîtrise du feu. Lorsque Homo sapiens se trouve face à une difficulté semblant insurmontable, Homo sapiens a cette faculté inégalée de gagner une sensibilité immense, pouvant soit lui causer des troubles, soit réveiller en lui une créativité pratique et cognitive lui permettant d'anticiper les autres et son environnement. La maîtrise des marées a créé l'espèce humaine. Les prophètes qui ont connu l'espèce humaine ont sans doute existé d'une certaine manière. Les écrits ont aussi prophétisé ces humains. En effet, cette créativité sensible réveille en certains la capacité à réfléchir avec les autres par le dialogue. Ce dialogue, mû par un gros problème résolu, qui aurait pu anéantir d'autres homo sapiens moins préparés, révèle chaque jour une vérité avec les autres. Ainsi, ces humains parlent de foi en l'autre, parce que le dialogue avec la population et les plus mauvais exemples renforcent leur ego, leur créativité, donc leur foi. On pourrait aussi trouver la même dynamique chez les grands découvreurs et scientifiques de l'humanité. Pour eux, la gloire ne sera pas réellement que l'on se souvienne d'eux, mais qu'on se souvienne de leurs paroles ou écrits, pour que la société évolue, afin de faire aussi bien que le créateur de la vie. Il y a aussi en l'humain cette envie d'aller vers l'inconnu, de le découvrir. L'Asiatique n'a pas peur des différences et s'est marié avec d'autres espèces humaines plus facilement. La calligraphie chinoise a commencé notre parcours philosophique. L'Amérindien a réussi à diversifier les gènes humains en découvrant les terres les plus éloignées de l'Afrique. Aussi, l'Africain a gardé le plus grand patrimoine génétique de l'humanité. Il a cette foi inégalable en la vie, en la société, en la nature, en la science donc, malgré les épreuves traversées. La peau blanche nous vient des Arabes. On peut dire que les Arabes aujourd'hui aiment le chaud. L'Européen et l'Asiatique ont créé une société avancée par la maîtrise d'un climat difficile et d'une nature riche difficile à maîtriser. Les Grecs ont continué l'envolée philosophique humaine des Asiatiques. En transformant les marécages en champs, la réflexion scientifique de Platon permettrait, avec les Africains, de créer dans le monde un nouveau bond en avant, un développement humain par une meilleure qualité de vie. Tous les animaux ont peur du feu, sauf l'humain. De là vient la création de l'économie humaine. La maîtrise du feu a permis de garder les aliments plus longtemps. Cela a donné plus de temps pour la réflexion et a donné envie de chercher toujours plus à maîtriser la nature. L'âge a permis la sédentarité et les premières maisons. Malgré tout, nos ancêtres passaient beaucoup de temps à survivre, à travailler beaucoup pour obtenir peu. L'élevage et la culture ont permis de créer les premiers villages, avec les sociétés organisées et spécialisées. Après l'énergie de la biomasse, l'humain s'accapare alors l'énergie et le bienfait de l'élevage, pour accroître la population avec moins d'efforts à fournir. Il ne tient qu'à une société respectant ses citoyens de respecter les animaux. La société humaine ne peut exister que par l'avantage d'autrui. Puis le commerce a créé l'écriture, utilisée au début par la noblesse pour comptabiliser. L'association entre les individus et les sociétés s'est accrue. Ces différents bonds technologiques peuvent se résumer ainsi. L'économie du travail grâce à l'énergie, par l'association des éléments, puis des humains et des sociétés. Les sociétés qui maîtrisent le mieux l'économie du travail sont aussi les plus cultivées et les plus riches. Seulement, des dirigeants cultivés ne sont souvent pas aussi sensibles que leurs parents, n'ayant pas eu à résoudre de gros problèmes. Ce défaut de toutes nos sociétés révèle alors notre caractère animal. Ce défaut est résolu par la population créative de l'humanité, souvent peu nombreuse, car être créatif demande à se confronter à la vérité des autres. Et si cette population est mise à mal, une société ou une civilisation est alors anéantie. Si la population créative est augmentée ou favorisée, de grands mouvements industriels puis scientifiques ont lieu, dont la cause est due au développement de la sensibilité créative, au mépris des lobbies ou pouvoirs jaloux. C'est ainsi que la société humaine se développe constamment, les écrits gardant les acquis. Plus les personnes complémentaires ou les familles seront proches, plus le dialogue et l'association seront favorisés, plus il y aura de richesses intelligibles et matérielles, plus ce dialogue et ces associations permettront de réaliser des outils ou denrées élaborées et de qualité. Une société qui aura compris cet enjeu se développera très vite. De grands noms se créeront dans la population sensible et créative. Ainsi, une société appelée Empire, qui individualisera, se perdra parce que l'humain ne se comprend que par le lien et le dialogue. Les liens entre idées permettent l'association des éléments. Il reste toujours des éléments qui demandent à révéler leur pouvoir. Il reste toujours des champs à créer, plus qu'on ne l'imagine. L'humain a cette créativité qui permettra à sa société d'égaler Dieu en découvrant l'organisation de l'univers. Mes notes. Lire les livres de Henri-Charles Carré, écrire pour devenir un économiste. C'était Pourquoi y aurait-il un Dieu avec Mathieu Giroux.